Je me suis fait traîner par la peau du cul, sans trop savoir pourquoi. Mon poing s'est verrouillé, mon esprit s'est perdu de trop nombreuses fois. Je me souviens d'un temps où il pétait des câbles d'angoisse et de terreur. Je vivais dans un monde d'histoires et de fables et regardais ailleurs. Et dans le désir dont je fus un jour le fruit, j'y trouve un goût amer. L'encre rouge ou le sang, la plume ou le couteau, ce fut un jour mon choix. J'ai écrit, j'ai pleuré, j'ai maudit le salaud qui me traitait comme ça. Gosse, sans plume et sans cahier. Où vont-ils écrire leurs plaies, leurs bleus, leurs bosses? À qui vont-ils parler? J'ai eu au-dessus de ma tête comme un voile très froid, noir et solide. Et je me réchauffais en parlant aux étoiles. Mon cœur était moins vide. Et je n'y retournerai pas.